Analyse du 25 mars 2023 par Thierry Pirlot, Sharpawan. La programmation prédictive de l'Alliance. Arrestation de Pedro Biden ou enclenchement de l'EBS. Bizarrement, le site Q-Truth, site hébergeant des drops de Q et qui affichait l'horloge de décompte de 10 jours, est HS. Pourquoi ? Je n'en sais rien pour le moment. Le compteur a débuté à rebours pour 10 jours lors de l'annonce de l'arrestation de Trump par les médias mainstream. Cette fausse arrestation de Trump est un false flag, faux drapeau, de programmation prédictive de l'Alliance afin d'habituer le public américain et mondial à l'arrestation possible d'un président américain et donc, dans les prochains mois, de Biden ou d'autres sociopathes de son entourage, démons démocrates, voire de son fils pédochasseur, Hunter Biden. Ou pas. C'était déjà une psy-op avec la perquisition de Trump à Mar-a-Lago et l'enchaînement qui a suivi avec la perquisition chez Biden quelques semaines plus tard. L'opinion publique américaine n'a pas réagi outre mesure face à cette intrusion du FBI chez leur président en charge, ayant déjà en tête celle de Trump quelque temps auparavant. Guerre de Sun Tzu, 3 pas en arrière, 6 pas en avant. La programmation prédictive est un outil utilisé par la cabale depuis plus de 30 ans, notamment grâce à Hollywood. Exemple, le film Pearl Harbor, sorti au printemps 2001, soit quelques mois avant le 11 septembre. Mais aujourd'hui, c'est l'Alliance qui se sert de cette programmation prédictive à son compte afin de préparer les consciences sur ce qui arrive et surtout éviter une guerre civile. La dernière programmation prédictive en date est celle du déraillement du train de produits toxiques à East Palestine, en Utah, il y a quelques semaines, faisant écho à un documentaire réalisé au même endroit quelques années plus tard. Cette programmation est l'œuvre de l'Alliance, de même que toute celle à venir, afin de nous préparer à ce qui arrive. L'arrestation de Trump devait avoir lieu dans le cadre du Russia Gate, raté, du Capitole, raté encore, et maintenant dans le cadre de sa relation avec Stormy Daniels, ancienne star du porno en 2015. Lol. N'oubliez pas que Stormy veut dire tempête. Et on est en plein dedans. Ce film qui nous est concocté par l'Alliance est aussi fascinant que passionnant. Espérons qu'il soit également décisif. The best is yet to come. Sharpawan.